Chapitre 361. La réprobation de fuir une région frappée par une épidémie ou de s'y rendre. Allah Ta'ala dit: Aynama takunu yudrikkumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Sourate 4, verset 78. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Sourate 2, verset 195. 1791. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Omar ibn al-Khattab se rendit au Sham. Arrivé à Sarr, une étape entre Médine et Tabouk, il rencontra les gouverneurs des villes du Sham, Abu Ubaida ibn al-Jarrah et ses compagnons, qui l'informèrent qu'une épidémie de peste y sévissait. Ibn Abbas ajouta: Omar, radiyallahu anhu, me demanda de faire venir les premiers émigrés, Muhajirun. Une fois autour de lui, il les informa de l'épidémie qui sévissait au Sham et leur demanda conseil, mais ils eurent des avis divergents. Certains dirent: tu es sorti avec un objectif, combattre l'ennemi, que tu dois atteindre. D'autres dirent: nous ne pensons pas qu'il faille exposer à ce fléau le reste des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Omar, radiyallahu anhu, leur demanda de se retirer, puis fit chercher les Ansar qu'il consulta également, mais ces derniers montrèrent le même désaccord. Il les invita également à se retirer, puis me demanda de faire venir les anciens Quraishites qui avaient émigré avant la conquête de la Mecque, ce que je fis. Omar les consulta sans qu'apparaisse la moindre divergence entre eux. Ils dirent: « Le mieux, selon nous, est de rebrousser chemin et de ne pas exposer les gens à cette épidémie. » Alors Omar déclara: « J'ai l'intention de faire marche arrière et je veux que vous en fassiez de même. » Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, dit: « Veux-tu fuir ce qu'Allah nous a destiné ?» Omar répliqua: « Si seulement un autre que toi l'avait dit, ô Abu Ubaida. » Omar détestait qu'on le contredise. « En effet, nous fuyons le décret d'Allah pour aller vers le décret d'Allah. Imagine que tu aies des chameaux avec lesquels tu descends dans une vallée ayant deux versants, l'un couvert de verdure et l'autre aride. Si tu fais paître tes bêtes sur le versant plein de verdure, n'agis-tu pas selon le décret d'Allah ? Et si tu les laisses paître sur le versant aride, n'agis-tu pas de la même manière selon le décret d'Allah ? » Ibn Abbas poursuivit. Vint alors Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui s'était absenté pour quelque affaire. Il dit: je sais quelque chose concernant cette affaire. J'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: si vous apprenez qu'une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas. Et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas. Omar, radiyallahu anhu, loua Allah Ta'ala, puis reprit le chemin du retour. Al-Bukhari et Muslim. 1792. D'après Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si vous apprenez que la peste ravage une région, ne vous y rendez pas. Et si vous vous trouvez dans une région frappée par la peste, ne la quittez pas. Al-Bukhari et Muslim. 1793.